Alors là, je vous dis merde en analogique. J'ai pris le micro, c'est de l'analogique. Et pour les backing tracks, Philippe, j'ai un petit utilitaire qui est gratuit, tu pourras le télécharger. Tu le lances et tu le mets dans le répertoire où tu as tes MP3 et il te dit morceau par morceau le BPM du morceau. Alors ça, c'est génial. Comme ça, quand tu veux diffuser sur Ninjam, tu règles le BPM du morceau. Tu connais Mixmaster? Mixmaster Analyzer? Ah, c'est génial. Et c'est gratuit en plus. Et ça marche super bien. Tu mets un répertoire, tes backing tracks, tes MP3 que tu veux jouer dessus, tu as le BPM. Tu sais exactement le métronome, comment il est. Ouais. Comme ça, après, si tu prends un séquenceur, tu peux faire une boucle dans le séquenceur, mais au moins tu as le BPM qui correspond à Ninjam. je vous ai mis le lien pour charger. Je vous ai mis le lien pour charger Mixmaster. Mais non, c'est pas du MIDI ça, Mixmaster, c'est pour étudier, c'est pour analyser tes MP3. Parce que comme vous savez pas à quel métronome ils sont, au moins vous le saurez. Mais le MIDI, moi je vous emmerde, ça a peut-être pas le son de top de DJ, mais les DJ je les encule tous. Ce qui compte c'est jouer de la musique. Là, ils ont tous eu des pédales à Noël, là, ils font tous du bruit, mais y a personne qui joue. C'est le bordel là, à Noël. Non, je suis pas vénère, mais c'est vrai que je viens moins souvent parce que bon, comme je joue dans deux groupes en ce moment, donc ça fait du bien de jouer des morceaux en entier et puis d'avoir la présence d'autres musiciens. Mais c'est vrai que là, c'est un peu le bordel. T'as les boeufs à un accord en pentatonique, moi ça me gare. Ah ouais, ça fait un petit moment là. On fait du Scorpion, on fait du U2, on fait du Europe, on fait quoi? J'essaie de les emmener vers du Malsim, mais là ça va être dur. Ah, il y a un chanteur, alors il faut que le gratteux il se mette en retrait un peu. Mais quand j'envoie les solos, j'envoie. Ouais, mais avec les jeunes, ils ont pas une culture pop, hard rock, rock. Hein. Je veux dire, quand tu joues du Cranberry Zombie, tu joues, je sais pas moi, du Jean-Louis Aubert, parle-moi, du Bono Magnificent, tu te fais chier, quoi. Mais j'ai réussi à leur mettre des Deep Purple au répertoire. On fait Black Knight et puis j'ai mis Europe Final Countdown. Là, ça leur fait froid dans le dos parce qu'il a fallu qu'ils bossent. Ils ont du mal à faire l'accompagnement, les mecs là. C'est comme ça. C'est pareil là le bœuf là sous le sacrifice de Santana. Mes filles elles l'ont découvert parce que c'est la batterie et le solo de batterie et les bongos, la percussion qui leur ont plu. Elle me dit c'est quoi ça? Bah je lui dis ça a plus de 30 ans d'âge. Bob l'éponge, je savais pas qu'ils avaient repris ça, putain. Ouais, mais ils ont dû le massacrer. Le clip, il doit être massacré au niveau des guitares. Attends, on va le regarder, je vais prendre rendez-vous chez mon psychiatre.